te le fè gran nan. Mwen mwen te pèt la vi mwen, pas mwen te koute. Le papa mwen te kadi, kok mwen lip son jemare pou lou. Alan, pani yon mamzel, ki patan mwen chante. Jist an jou rive, mwen senti mwen blese. Sa mwen kompran, pwemye fwa mwen wè an pou l'ba an kompran pou mse bon. Mwen blese! D'après, on pouvait faire la...